Brocoli, peu importe. être capable de proposer quelque chose, quelle que soit sa gueule, quel que soit le temps, être en capacité de proposer quelque chose. Cause you're the best. You under arrest. Cause you're the best. You under arrest. Cause you're the best. You under arrest. Oh, oh. Serge Gainsbourg. Drague des années 60, 70, 80, 90. Amour, Gainsbourg. Ne plus attendre, ne plus espérer. Capable de recréer le passé. Thank you. Réinterpréter le passé, se l'approprier, c'est tout le challenge aujourd'hui avec mon writer's block. Comment faire pour mixer, bootlegger tout ça? Laisser distraire, désarçonner par la société du spectacle. Rester alerte, be aware. Faire avec le passé. L'héritage, story is repeating. Le passé, être présent, trop bien, ne pas culpabiliser. Je t'ai suscité mon amour. Être. Je vous raconte ma journée. Slow, si tu veux. Je peux. J'ai passé vraiment une sale journée. L'instance représentative du personnel. Un CSE. So we be. Moi je me suis retrouvé là-dedans. Comment? Maman? arrest course. I'm in the arrest course. I'm the best. Je dis et je redis donc qu'un soir, trop tard, j'ai essayé. Bon, on est entre francophones.